Ouais. Je suis Jérôme. Et la violence, je l'ai baptisé. Je récupérais jamais mon œil, même quand sera cicatrisé. J'ai 10 ans, je suis venu avec mes parents sympathiser. Mais j'ai vu le policier taper sur ma main, je suis traumatisé. Je suis ce militaire, je sors dans un bar boire un verre. Mais la police est en colère, dans une minute je serai par terre. Je suis cet homme âgé, je vois pas ce qui se passe à la TV. Il a fallu qu'en ville je me fasse gazer pour voir que c'était vrai. Je jongle entre deux émotions, je suis ce commerçant. Je suis gilet jaune à 100%, mais le samedi j'ai peur des passants. Je suis ce policier, je pense à rien quand je vous vise. À aucun moment je me dis que de l'autre côté c'est peut-être mon fils. J'ai un message à faire passer aux forces de l'ordre. N'avez-vous déjà lu ne serait-ce qu'une phrase des droits de l'homme? Comment pouvez-vous crever un œil ou arracher une main, puis le lendemain apprendre à votre gamin ce que peut être le bien? Sans compter les préfets qui au médic bloquent l'accès. Ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Faut arrêter, c'est pas des cris de rage mais de détresse. Vos escadrons tirent sans sommation, y compris sur la presse. Ils nous fouillent dans les petites rues juste avant d'envoyer les gaz, pour être sûr qu'on aura ni casque, ni lunette, ni masque. Et même si tu vis bien, que t'as pas besoin de militaire, rejoins les gilets jaunes pour retrouver de l'humanité. Y'a de l'entraide et du partage, je vous invite à descendre. Vous comprendrez que c'est de la police que l'on doit se défendre. Combien de cabanes sur les ronds-points dont il reste que des cendres? Des souvenirs de partage de cadeaux le 25 décembre. Dans le cortège c'est joyeux, y'a de l'amour, les gens chantent. Et puis un policier jette une grenade parce que ça l'enchante. Donc tu peux marcher et t'en prendre une dans les pieds. Concrètement dedans y'a 25 grammes de TNT. Tu peux venir manifester puis finir amputé, parce qu'on fait peur à tous ces politiques et tous ces députés. Si je peux me permettre, plutôt que d'appeler la banlieue, il serait temps d'ouvrir les yeux et de réclamer des choses pour eux. Sachant que la violence policière qu'on vit depuis quelques semaines est dénoncée depuis des dizaines d'années au pied des HLM. Comprenez, il faut casser tous ces fossés. Ils ont divisé pour mieux régner, pour mieux nous enfoncer. Mais on est tous des humains, on est tous dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même. C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? Acte 1, 2, 3, je sais pas combien il y en aura. Tant qu'il y aura des choses à dire, tant que ça se passera comme ça dans nos rues, je serai là pour passer le message. On ne lâchera pas, on sera là chaque samedi. Pensez à tous les blessés, tous les incarcérés, tous ceux qui sont, tous ceux qui nous ont quittés. Force à vous, force à vos familles, et on sera là chaque samedi, on ne lâchera pas.